Bon, alors pour commencer, on va expliquer ce qu'il faut savoir avant de commencer. Pour pouvoir jouer, il vous faut 2 dés, des pions et un plateau. Et puis bien sûr, un certain nombre d'amis, sinon vous jouerez tout seul, comme un abruti. Les règles du jeu seront expliquées, bien sûr après, et puis surtout, elles doivent être respectées, c'est ça le plus important. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais? Bon, on peut y aller. Commencez par placer vos pions sur le plateau. Chacun à votre tour, lancez les dés. Annoncez le chiffre tout haut et avancez votre pion du nombre de cases indiquées. Si vous tombez sur une case rose, faites un clin d'œil à un joueur de sexe opposé. Si vous tombez sur une case verbale, faites la bise à un joueur que vous choisirez. Allez donc au WC. Si vous tombez sur une case mauve à boire rouge en forme d'éléphant bisextile, arrêtez tout de suite les champignons mignons, vous devenez vraiment trop débile. Si vous tombez sur une case en craie, vous êtes en train de jouer à la mamelle. S'il vous manque une case, on ne sait jamais, allez faire un tour à l'asile d'à côté. Si vous tombez dans les escaliers, faites un peu attention, vous allez vous faire mal. Et à ce jeu stupide. Faire une partie de plaisir, c'est jamais très très indiqué. Car dans une partie de plaisir, on sait pas sur quoi on va tomber. Mais si vous êtes aventurier, vous n'allez sûrement pas en souffrir. Alors arrêtez. La partie.